avons eu dans la vie des éclairs de vraie magie. Esther où les bateaux chavirent au jeu du meilleur et du pire. Nous avons été parfaits, faire l'amour comme on l'a fait. C'était l'avoir fait pour toujours, mais ça ne dure jamais toujours. Parlez-moi d'elle, rassurez-moi, se souvient-elle encore de moi? Joue-t-elle encore comme on jouait, à ce qu'une aurore ne vienne jamais? Nous avons connu, c'est vrai, des nuits de folie, des vrais. Tendresse où les corps s'abandonnent au jeu d'une femme et d'un homme. Les délices et les douleurs, les draps trempés par la sueur. Et tes yeux bleus comme une flamme au jeu d'un homme et d'une femme. Parlez-moi d'elle, rassurez-moi. Rêve-t-elle encore comme elle rêvait, à ce qu'une aurore ne vienne jamais? Parlez-moi d'elle, consolez-moi. Mais où est-elle? Non, ne le dites pas. Nous avons été si loin qu'au-delà on savait bien qu'on s'en allait vers un délire unissant s'aimer et mourir. Comme on